Quand elle me prendra dans ses ailes, qu'elle ne parlera que d'elle, je verrai mon nid tout en miel. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un pierre de rien du tout. Je m'ennuie trop au perché dans ce coucou. J'aimerais bien voir du pays, jouir de ma vie. Un point c'est tout, un point c'est tout. Des pépins dans le raisin, mets de l'eau dans son vin. Un poème en quatrain, c'est bien, ça sert à rien. Un bon lit sans coussin, se lever tôt le matin. Les transports en commun, je te dis, ça sert à rien. Sarko qui fait le malin, le retour de Jospin. Le renvoi de Raffarin, c'est sûr, ça sert à rien. Les histoires de Tintin, voir Amélie Poulain, Didier Barbelivien. Ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. De se prendre le chou, ça fait du bien, du bien, du bien, du bien. De rire de tout, ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. De se prendre le chou, ça fait du bien. De rire de tout. Un poireau sur le tarin, sentir ses colombins, c'est pas fumer au boursin. Ça pue, ça sert à rien. Une bonne femme qui a pas de sein, une quéquette sans vagin. Quand y'a trop de poils pubiens, tu vois que ça sert à rien. Célibataire sans main, ta mère qui fait le tapin devant le jardin du coin. C'est triste, ça sert à rien. Un abruti de pèlerin, les couilles d'un franciscain et les chants grégoriens. Ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. De se prendre le chou, ça fait du bien, du bien, du bien, du bien. De rire de tout, ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. De se prendre le chou, ça fait du bien. De rire de tout. être le numéro un des académiciens. Les chaussettes Pierre Cardin, si si, ça sert à rien. Avoir un nain de jardin, un QI de mannequin, la carte de roi Merlin, j't'assure ça sert à rien. L'empire américain, les bretzels alsaciens, braquer un colombien, c'est con, ça sert à rien. Regardez TF1, les courses de Formule 1, les grands chasseurs d'oursins, ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. De se prendre le chou, ça fait du bien, du bien, du bien, du bien. De rire de tout, ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. De se prendre le chou, ça fait du bien, de rire de tout. Chanter dans les petits bars, les textes dignes d'un vaurien, cette chanson qui a pas de fin. Eh ben...